وجل توجه إلى بوابه إلى بوابه إلى بوابه. طيب انظر هنا la phrase, le sens est correct, mais est-ce qu'il aurait été meilleur justement c'est de faire comme nous avons dit au début du livre, au lieu de répéter le fa'il et de répéter le truc, tu mets un damir talaba minhum an kada kada kada hein, on va confier la phrase ça bien moi je نعم لا بعيد تجيء رقمها ثلاثة ثامن لماذا يتوجه المسافرون إلى بوابة الخروج لركب في طائرة لي لا يبقى في Il y avait un mot qui a été mis dans le tableau pour le nouveau vocabulaire, Hassab, qui est mieux à employer. Un tâche est adaptable. C'est le mot qui va employer. En tout cas, ma forme est de là. Et maintenant, pour péter les trous dans les phrases. Du mal où là ? Un deck ? C'est quoi le mot qui manque ? Wada'a al-arsh ala al-mizan. Non, c'est pas l'arsh qui va la mettre. Non. أيوة نعم هذا هو صحيح ثالثا ضابط كلمات سمع المسافرون نعم هذا كلمة سمعها رابعا على المسافرين سرعة تواجه إلى بوابة الخروج طيب أحسنتم تواجه نعم لبوابة الخروج لماذا توجهي سرعة Toujours dans la deuxième unité, la troule fit d'air à Khamis, cinquième leçon. Bi Anouan, bi fi Bahri al-Stikbal. Taïeb, dans la salle d'accueil. Ou d'arrivée. À la base, Stikbal, c'est accueil. Taïeb, accueil. Mais dans le sens du texte, c'est la fin quand tu arrives à l'aéroport, c'est salle d'arrivée, non ? C'est ça, salle d'arrivée. T'as la salle de départ, ouais, la salle d'arrivée. C'est pas la salle de réception, ça va de pas la réception. Ouais, l'accueil, c'est quand t'arrives à la base. L'accueil. Là, ce qu'il veut dire par là, c'est la salle d'arrivée, tu vois, en fait. Mais stick bell, ça veut dire accueil. Non, mais ça peut être. Tu vois, stick c'est juste. Ce qui t'accueille dans leur pays, tu vois. Ça peut être. Non. Voyez, quel est le mot jadid là ? أقفل يقفل ça c'est fermé ou cadenassé à la base coufle un coufle tout seul c'est un cadenas une serrure oui. Donc c'est fermé mais avec sécurité en fait c'est plus fort que Aralaka alors tu dis أقفل الباب si tu fermes la porte et en plus tu tournes la clé dans le verrou Muttajihun, c'est le ism fa'il de ittajaha. Pour celui, allazi yattajih. Muttajihun, c'est le ism fa'il de ittajaha. Là, il va nous apprendre dans ce dash-là, normalement,

Hein? Production. Non, je pense qu'il y avait l'obtention là, dans le texte. Ouais. Mais ils ont pas mis Allah, non, c'est Allah. Mais tu peux dire Hassol tu à l'Al-Kitab, j'ai reçu, j'ai récupéré le livre. Ouais, j'ai trouvé, je l'ai eu, non, j'ai obtenu. Non, tu peux dire. طيب تراكيب النحوية والصرفية إن شاء الله هو بعد ما تكتب ذاكرة طيب. il y a pas fusul dans le texte. Moi j'ai regardé, je l'ai pas vu, tout il arrive après. إن شاء الله. peut-être dans la partie قراءة, on va voir. dans la partie إقراء. la colline quand on va le voir, on va le trouver. quand même. المرء أنت الموظف نعود أنت الموظف وأنت محمود تفضل من أين أنت قديم قادم تجي قديم سجى قديم قديم أيوه تقول تجي قادم في arrivant ou قديم donc من أين أنت قادم سجى قديم Il n'y a pas musulman que le mouazaf ne sait pas qu'il a affaire. Est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est un musulman, je ne sais pas. Donc il ne passe pas salam. Et il a plus le hadith qui ne va pas laisser les coups de koufa, il ne faut pas le saluer en premier. Donc en fait, c'est peut-être ça. Hein. Regarde, tu as l'image à côté. Regarde Mahmoud comment il est, comme sa cravate. Tu vois ? Moi, le mouazaf aussi. Hein. c'est tous Aouzoubillah. Ça y est. Le mouazaf, mouazaf al-Jawazat, à chaque coup. أهلاً بك هل تسمح بجواز سفري وبطاقة المسلم أهلاً بك أهلاً ومرحباً أهلاً وسهلاً ومرحباً أهلاً Même tu peux le dire en séparation. Vous voyez ? Quand quelqu'un il se sépare, tu peux dire marhaban. Tu peux le dire. Ça y est. Al tasmahu bi jawaz al-safar wa bitaqatil wusul. Me permets-tu de voir en fait ? Il y a un taqdir, tu ne vois pas, mais c'est de voir. Ou de prendre le passeport et la carte d'arrivée. Il n'est pas écrit, mais tu déduis. Quoi. Mahmoud تفضل شكرا نزيد خير ميرسي شكرا ومرسي بارك ميرسي محمود يتجه نحو بوابة الخروج محمود se dirige vers les portes de sortie نعم نحونا c'est déjà vers voyez en direction on peut remplacer par il a نعم نعم نحو c'est en direction Il y a des sens de Nahou, il y a d'autres sens. Il y a Mouazaf al-Jawazat. Il a un Alta Moutajibou. Moutajibou. Moutajibou. Comment tu dirais Vers où je te dirige Non. Alors, Moutajibou, il a d'abord d'être rouge. Je me dirige vers les portes de sortie. Non. Dirige-toi vers la pièce de la salle des douanes. La salle des douanes en premier. Non. Fidahui al-Jamalik. Donc, dans la salle des douanes. Mazaretta. ماذا في حقيبتي بعض الملابس أقول ترجم qu'est-ce qu'il y a dans tes valises? Dans ta valise. Dans ta valise. Non. Pardon malade ici ou à Koto. Quelques vêtements et quelques livres. Non. Ma valise, malabis, c'est les vêtements. Malabis? Non. C'est les vêtements. Et Saobun. Pareil. Le Saob, c'est un vêtement. Non. Iftahil Hakibata. Hakiba. Hakiba. Non. Iftahil Hakibata. Non, non, non. Tu es un homme. Fataha, c'est-à-dire quoi Fataha? Yaftahu. Non, non, non, Fataha, Yaftahu. Il est arrivé, fou. معروف تلقون هذا يعني فتح نعم بس يفتح نعم أيوة أوفلا باريس نعم ثم الجملة عليك كذلك تفضل toujours pour toi Après qu'il est ouvert, on sait qu'on a compris qu'il y a un temps qui s'est passé. Fahassa, il l'a cherché, il l'a fouillé, il l'a regardé. Ensuite, il a dit ce qu'il a fait. Akfilha, Yumkinuka. Yumkinuka. Non. El Tahruja. Non, c'est de Yumkina, Amkana. Tahtel Bim. En fait, c'est pour le Kef, quand même. Hein? C'est une erreur. Il est pour le kef la kasra en fait. Normalement le mim il est sakin. C'est yum ki boka. C'est possible de sortir. Ou tu peux sortir. Akfilha. C'est tu peux la fermer. Tu refermes là. Il était possible de partir. Mahmoud. Merci beaucoup. Aïd, shukran. Jazilan. En fait, c'est un grand merci. Ouais. Chaleureux. Tamam. Après, commence les exercices. Yaqul awalan. Istamir wa raddid. Donc il dit, écoute et répète. Là, il va vous apprendre, comme on avait dit au début, à faire le ism fa'il des verbes autres que le sulasi. C'est-à-dire les verbes qui ont plus de trois lettres. Et pour ceux, on va d'abord le prendre sur le tableau. C'est très simple. C'était quoi, on avait dit? Mawal wazn fi sarf. C'est quoi la mesure en sarf? C'est quoi la balance? Le modèle. Fa'ala. Vous voyez, fa'ala. Fa'ala, c'est un soulassi, c'est trois lettres. Maintenant, on veut quoi? Arubai. À quatre lettres. On va rajouter un hamza. A. Afhala. Vous voyez? Afhala. De l'obaï, t'as d'autres. Hein, t'as d'autres voix, t'as pas que Afhala. Dis avant 4 lettres. Vous voyez? T'en as 3. T'as Afhala, t'as Fa'ala, t'as Fa'ala. Lakin, non, pour l'instant, on se concentre sur celui-là. Afhala. Comme Akfala. Comme ils disent dans le verbe. Arsala. Vous voyez? Ensuite, c'est quoi le moudouali de? Du Rubaï comme Akfala, Afala, ça va être Yuf'ilu. Ça, c'est Moudalia. Yuf'ilu. Et tout le Rubaï, on a dit quoi? C'est une Damba et une Kasra avant la fin. Une Damba au début, et le Aïn, la lettre qui est avant la fin, la lettre Kasra. Tous les verbes à 4 lettres, ils font ça comme ça.

المسافر يريد أن يستخرج الجواز. Et quand « en » est un verbe au singulier, on met « fatha » à la fin. Il y a mon soum. Vous voyez, il y a mon soum. Tu ne dis pas « en » Mohamed yuridu en yedhabu. Non, tu dis « en yedhaba ». Si tu dis « yedhabu », c'est une grosse faute de grammaire. Vous voyez, une grosse faute de grammaire. En général, il met une soukoune. Oui, en général, il se fait pas la tête. Il se fait pas la tête, une soukoune. Mais quand tu testes quelqu'un, on dit Mohamed, Yurid, En, Yahrouj. Tu te dis, mets-moi les harakats. Là, il va bégayer. Tu vois, il va te dire Mohamed, Yurid, En, Yahrouj. Tu dis non. Il répond pas. Et là, tu vas peut-être l'arrêter. Il dit, ah, je sais pas, on entend les gens, ils parlent comme ça. Mais quand tu sais, tu sais. Tu es obligé de le dire, la harakat, tu peux t'arrêter. Mais tu testes quelqu'un parce qu'il sait ce qu'il dit. Tu dis, c'est quoi la harakat de l'Yakhruj? Après N, s'il connaît, il va dire Fatha, khalas. Et si tu veux qu'il bégaye ou il cherche, tu dis toi, tu révises. Ou t'apprêtes si tu ne connais pas encore. Voyez. Rabian. Non, khalas. Aussi, c'est Rabian. Rabian, Adil, an As'ila, Al-Atiya. كمات النموذج. يجي من أين أنت قادم؟ دو بيانجي. تقول القاهرة. دو تقول أنا قادم من القاهرة. جو بيان. بكيح. القاهرة سيكيح. وفي الباري في تلك سمسو. يعني تقول فيس من الجيل. دو ليو. الخلطوم. شو بسوي. Khartoum. Non. C'est pas elle, n'est-ce pas? Ah ouais, mais là c'est pas. Khartoum, c'est Soudan, Khartoum. Peut-être, je sais. Je connais pas son. Son ligame en. Khartoum, c'est ça? Non, c'est pas pareil. C'est le nom d'une ville, c'est d'une capitale. Ah oui, ils sont nés là, c'est son nez là. Ah, c'est pas pareil dans le Coran. Peut-être qu'ils ont pris le mot d'avis par rapport au Coran, mais dans le Coran, c'est pas le. Ça s'écrit pas comme ça, c'est un Khartoum. Qui s'écrit pareil? Allez, madame Mafou, madame, Arabia? Non. Allez. Al-Khamis, Yakoul, Adib, Al-Asiatil, Atiya, qui m'a fait le mot d'avis. Non. Parfois, il y a une question d'une Aïda à la Khadim. Non. Comment ça? Je suis. C'est il est où, Anna? Où est-ce que j'arrive? C'est juste pour t'apprendre à employer le dormir, c'est tout. Là, ça ne dit pas à la base. Tu te demandes où est-ce que je viens, à part si tu es dans les pommes, tu viens de te réveiller. D'où je viens, peut-être, mais là, c'est en fait tout ce que je viens. Khamisan, il a Aina Anta Muttajihun. Entre parenthèses, il met Beyrouth. Là, c'est pas ouf, enfin, c'est Beyrouth. D'accord, un amout tajihoun, il est Beyrouth. Donc là, c'est pareil que l'autre. Vous voyez? Où est-ce que tu. Par exemple, il a Aina Anta. Il a Aina Anna Mouradiratoun. Donc là, c'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle. Qu'on a mis à terre là-bas. Un amoura de la tombe, il est London. Vous voyez? Il est London. Et le service, c'est l'œuvre que j'essaie de le lire, apparemment il est un peu. Le service, c'est. Non. Le service, Inch'Allah, Arhamoukoum Fi. Vous voyez? On ne le fait pas parce que j'ai regardé un peu le dénoncé là et il n'est pas clair, il est un peu désordonné. Pas mal? Pas mal. Bah, c'est moi la douce? Non, là, il ne fait pas du tout. Mahmoudoun, Yattajihou, il est dans l'Iran. Yattajihou. Ittajah, Ittajah, se dirige vers le, vers l'avion. Ittajah. Ittajah. On a pris dans le vocabulaire ancien. tu le révises, tu retournes en arrière, tu vas retrouver, Inch'Allah. De toute façon, il dit même à la fin, il dit à la fin, t'as dit ça. À la fin, t'as un mondial, à la fin du livre. Tu vas avoir un livre, tu vas trouver une tajra, il va te dire. Il se voit la règle d'Alik. Hein? Là? Il y a une règle d'Alik. On a quand même. On a dit qu'il y a une règle d'Alik.